ici Pierre-Luc. Ici Yannick de Trois-Bières. On vous invite tous les deuxièmes mardis du mois au bar Les Passages sur Rachel pour les soirées enregistrement de Pas de problème et pour le broadcast. Vous avez un problème? Ils ont un podcast! Yeah! Oh oui, bonjour et bienvenue à la 173e balado-diffusion de Pas de problème. Ici Frédéric Barbouchi en compagnie de Martin Boily. Oui, salut Frédéric. Salut Martin. Mathieu Bouillon. Je n'ai jamais vécu cela. Bonjour. Bonjour Mathieu. Et notre invité de la semaine, auteur et voix dans vos oreilles à des moments où vous ne le savez pas, hein? Jean-François Aubé. Bonsoir, bonsoir. Merci. Ah bon, oui, c'est ça, Jean-François. Entre autres, tu es auteur du livre « Chair à canon » et « Buisson ardent ». Ardent. Ouais, c'est ouais, ça. J'ai commis... Oui, non, mais c'est super. Vous pouvez lire ça entre amis. C'est le fun parce que ça éveille... Comment on lit ça entre amis, Frédéric? Ben, y en a un qui lit, l'autre écoute. Ou chacun, ah, okay. Chacun un mot. Non, mais c'est un recueil de nouvelles érotiques. Oui, c'était tiré d'un spectacle qu'on a fait ici, pas loin, à l'Intrus, jadis, les auteurs du dimanche. Et j'ai écrit à chaque semaine une nouvelle érotique à partir d'un mot suggéré par le public. Et c'est devenu deux recueils. Oui, c'est ça, vaut, je pense. C'est de même que j'ai rencontré ma blonde. Donc, non, c'est pas vrai. Et non seulement ça, tu fais aussi des voix radio, voix télé. Et tu joues dans la LNI avec... Une ouais. merveilleuse équipe. Une équipe incroyable, les Oranges. Yes! Ouais, une on solide équipe. Ouais. Non, c'est ça, mais tu fais aussi des voix comme à Z-Télé. Ouais, je suis la voix de programmation, comme on a su tantôt. C'est moi qui vous annonce les shows à 19h, comme Mélinde d'Entre-deux-Mondes. Et de la narration, documentaire, des pubs que vous voyez. Mais c'est toi aussi qui fais la voix de Bart Simpson dans Les Simpsons, hein? Non, malheureusement. Peux-tu nous en faire un extrait? Aïe aïe! Oh, ben, tu l'as bien! Non, parce que le aïe aïe, tu l'as bien. OK. T'as bien Bart qui vient de te rentrer un écharpe. Oui. Les avins vervants. Non. OK. On va pas le faire à chaque semaine, ça. Donc, le problème de cette semaine, peux-tu nous lire avec ta voix la plus veloutée? Oui. Ben, peut-être pas trop, parce que quand même, tu pourrais peut-être... Casser des subwoofers. C'est ça. On fait juste les mêmes blagues que tantôt, mais moins déphasé. Bien. Okay. Non, mais c'est clair. Ouais. OK, pour ceux qui ne savent pas, vous nous écoutez, mais on a parti l'enregistrement tantôt. L'ordinateur de Martin a buggé et là, on essaye de reprendre... Mais regarde, puis, on les fait pas pareil. Ça nous a fait chier à maudit parce que t'es rendu à 52 minutes. Il restait juste nos solutions préférées. Il faut tout en recommencer. Donc, on va lire le problème. Oui, le problème nous vient d'Alexandre Harton, qui tient tout d'abord à nous remercier pour avoir répondu avec brio à son problème. Les réactions furent bien intéressantes, selon lui. Alors, le problème, c'était comment intéresser mon frère de 15 ans aux choses de la vie. OK. Voilà. Bravo. Et voici. J'aimerais donc vous donner mon problème. Je termine relativement bientôt ma technique en architecture et nous serons amenés à participer à des soirées avec des professionnels, donc d'entreprendre des discussions. Ainsi, comment obtenir une bonne culture générale dans un minimum de temps pour paraître cultivé devant le dit professionnel? Je tiens aussi à souligner que j'ai bien aimé le dernier podcast. J'ai eu Jérémy McEwen comme enseignant et j'ai bien apprécié son enseignement. Voilà. Non, c'est pas Jérémy McEwen, c'est pas le professeur en philosophie au Cégep à Montmorency, ça? Oui, également. Il fait pas du rap aussi, oui. Ouais, ouais, bonne culture, les gars. Oui. C'est comme si Jean-François ne l'avait pas dit. Oui. Donc, problème épineux, s'il en est un. Moi, j'ai fait une petite recherche concernant la culture générale. Vous saviez que lorsque l'être humain est sorti du néolithique, il était à l'époque un chasseur-cueilleur. Mais lorsqu'il s'est mis à devenir plus sédentaire, c'est là que la culture a fait partie un peu de sa vie. Donc, il s'est mis à semer, à recueillir les fruits de la terre et de la moisson. OK, Mathieu. Tant qu'au général... Mathieu, on va t'arrêter. Oui. Ça va être beau pour nous, merci. Tant qu'au général, il y a le Tao. Il y a le Tao. Voilà. Bon. Merci, Mathieu. Non, mais bon, je vais y aller avec ma première solution depuis tantôt. Puis c'est comme la solution à tout. Je sais pas de problème, mais c'est les Simpsons où on a. On a peut-être. Ça prend un peu de jugement, mais ça, il faut. Voyons, là, j'ai juste envie de redire toutes les mêmes choses que j'ai dites tantôt, mais il n'y aura pas de réaction, fait que je ne les dirai pas. Mais tu pensais regarder les Simpsons. Oui. Une bonne source. Oui. Oui, parce que c'est en regardant les Simpsons qu'on a appris que l'eau flochait dans le sens inverse en Australie, ben voilà. Dans le, l'autre ouais, hémisphère. Dans l'hémisphère sud. Ouais. Il y a pas merci un... beaucoup. Oh, j'ai ouais. Trouvé ça tout seul. Arrête, ouais. Arrête. C'est aussi en écoutant les Simpsons qu'on a appris que Selma avait adopté une jeune chinoise. Ça, c'est dans aucun livre, on aurait pu apprendre ça. Oui, c'est vrai. Puis que dans la poche d'un kangourou, c'est gluant, c'est pas comme dans les petits bonhommes. Hey, ça, là. OK, merci, les gars. Mais non, mais il y a des trucs comme ça où on a de la culture générale. Mais culture générale, c'est aussi savoir un peu des choses qui sont pas tout le temps utiles, non? Ça peut être ça, c'est sûr. Ben, je pense que culture générale, c'est très vaste. Là. C'est pas juste. Ça peut être des choses très utiles aussi. C'est pas nécessairement. Je comprends, mais ce que je veux dire, c'est ça veut pas juste. C'est pas nécessairement juste utile non plus. Non, effectivement. Non, c'est ça. Ça peut être des citations ou des trucs genre en moyenne, chaque année, 100 personnes s'étouffent avec un stylo. Alors, une fois que tu sais ce fait-là, tu peux le plugger. Oui. 100 personnes s'étouffent avec un stylo, ouais. Par année. Ouais. Ouais, par année. Oh! Oui, puis savez-vous pourquoi la neige est blanche? Pourquoi, donc? Pourquoi? Parce qu'elle est constituée de plein de petits cristaux qui diffusent, qui divisent la lumière, mais divisent tellement à des endroits différents que toutes ces couleurs-là se rejoignent pour faire le blanc. Wow! Et savez-vous qu'en ce moment, il y a environ 500 000 personnes dans les airs? Moi aussi. Ah, mesdames. Est-ce que ça inclut les petites filles qui sautent, ça? Oui, et les gens en parachute et en deltaplane. Wow! Et sûrement François Gilbert, hein, globe-trotteur. Oui. Je ne sais pas où il est maintenant. Il doit être dans les airs entre Tokyo et... Et Bâton Rouge! Hey, on va vous séparer, moi. Bon, tu sais, là, la culture générale, là, moi, là, je n'ai pas la plus grande au monde, OK? Mais j'en ai un peu, et ce, parce que j'ai joué à Génie en herbe au secondaire. Oui. Mais comment tu accumulais tes notions, tes connaissances pour jouer à Génie en herbe? J'écoutais les Simpsons. Non, mais... Ben, moi, j'ai pas de cassette tournant rond. Oui, non, mais ça devenait qu'on apprenait des affaires. Tu sais, des affaires qu'on va savoir pour toute notre vie, juste parce que c'est des questions auxquelles on s'attendait de Génie en herbe. Malheureusement, il ne m'en vient aucun exemple présentement. Mais tu sais, si vous avez fait de Génie en herbe aussi, je suis sûr qu'il y a des affaires, tu sais, mettons... Jesse Owens, 1936, des affaires de même qu'on retient, même si c'est pas tes domaines au d'expertise. Jeu de Berlin. Mais exact. Sa question, en fait, c'est comment avoir un maximum de culture générale dans le moins de temps possible. Ouais, ça, c'est donc, moi, je pense que de concentrer ce qu'il doit savoir en des sphères bien précises, des incontournables, là, si je dirais, comme, mettons, apprendre, je sais pas, le tableau des périodiques, apprendre les noms des dinosaures, apprendre ses formules mathématiques. Les capitales, ça c'est, les capitales, ça, c'est oui, très oui. Bon. Quelqu'un qui connaît ses capitales, même s'il connaît rien d'autre que les capitales dans la vie, il a l'air de s'y connaître. Ouais. Ouais, c'est un peu traître, les capitales. C'est un peu cliché, peut-être. Oui, un peu oui, cliché, complètement. La, mais la discussion, quelqu'un qui... tu t'en prie, puis tu sors un pays. Ouagadougou! Ouais. Peut-être un timeline, apprendre l'histoire de l'humanité, se faire des repères. Au moins, se retrouver, savoir où on est. Oui. Mais toi, Jean-François, ouais. C'était à la place de M. Harton, là. Ouais. Par quoi tu commencerais? Moi, ce que je trouve délicat, je pensais à ça tantôt, c'est qu'il veut apprendre rapidement, il veut devenir cultivé rapidement et paraître cultivé. Puis ça, je trouve que c'est intéressant. Ça double tranchant. Ouais, déjà se mettre des lunettes. Oui, parce que je pense que si on admet d'emblée qu'on ne peut pas tout savoir et qu'on est curieux, intéressé, on pose des questions, c'est plus payant que de faire semblant, de dire oui, je sais c'est quoi, parce que qui n'a pas joué à pincer quelqu'un qui fait semblant de savoir quelque chose? Et comme la fois de Lindsay Lohan. C'est ça. Donc, je dirais, fais très attention. Lecture. Donc, non, mais une solution intéressante serait d'être intéressé. Ouais. C'est peut-être là le départ. Et au lieu de se sentir vulnérable ou imposteur, dire écoute, je sais plein de choses, mais ça, j'ai aucune idée de quoi tu parles, explique-le-moi. Je pense que c'est déjà un signe d'intelligence. Bien important de dire je sais plein de choses. Oui, ben non, mais tu regarde, on peut parler. Ou encore, il a étudié en architecture, il peut essayer de ramener la discussion à son champ de force, à l'architecture. Oui. Si les gens parlent de hockey, mais ils ne connaissent rien au hockey, subtilement, il parle du Canadien, il peut parler peut-être de comment construire une équipe gagnante, tu sais. Ouais. Ouais, les structures d'une bonne équipe. Enfin. Par contre, ce qui est plate avec l'architecture, c'est que c'est pointu. Là, tu sais, la science qui étudie les archis, tu sais, c'est parfois, ça peut être difficile dans une conversation. C'est tu sais. Sûr que c'est... Ouais. Il revient de semaine après semaine. Mais l'idée de base pour... quand j'ai eu l'idée de vous proposer ce podcast-là, faire « Pas de problème », ça venait d'un autre podcast que j'écoutais qui était « Stuff You Should Know », qui est selon moi une source, une mine d'or de trucs à savoir et ou à ne pas savoir. Donc, une solution comme ça, là, peut-être juste écouter plus de podcasts encore. Mais « Stuff You Should Know », c'est à écouter, c'est pas la première fois que j'en parle, évidemment. Mm-hmm. On a tous aussi, tu sais, des fois suivi des parcours wikipédiens. Tu sais, mettons, tu t'intéresses à quelque chose. Exemple, cette semaine, « Retour vers le futur » jouait à la télé. Puis, je suis allé le wikipédier, en savoir plus. Puis, j'ai fini par wikipédier 12 affaires après. Tu sais, fait que peut-être commencer à quelque chose que tu aimes. Puis suivre le trajet de la connaissance. Mais souvent, c'est parce qu'on se perd dans les lectures. Tu fais, moi, je veux pas tout savoir ces affaires-là. Il y a juste quelques lignes que je veux savoir. Donc, je veux savoir juste ce qui est plus marquant. Moi, je suggère souvent de prendre un jeu de quelques arpents de piège, de lire les questions, regarder les réponses et d'y aller juste factuel, juste un fait. Mais c'est-tu dans ce podcast-ci ou c'est dans celui qu'on a flushé tantôt où on parlait de... ce qui est intéressant, c'est de... Non, c'est dans lui qu'on a parlé de savoir des faits assez banals. Là. Oui, On a dit ça tantôt. Oui, c'est ça. OK, je suis mélangé. Mais ce qui peut être utile pour ça, par contre, c'est d'améliorer sa mémoire. Hein. Et pour que un fait soit inscrit dans notre mémoire à long terme, il paraît qu'il faut se le répéter entre 15 et 30 secondes. Moi, je ne prendrais pas de chance, je me rendrais à 30 secondes. Mais pour se souvenir, on pourrait jouer le jeu même là, puis refaire l'exercice à la fin du podcast, si tu veux. Tu sais. En faire une chanson, sinon. Ouais, c'est mais ça. Mais dans les concours de mémoire, là, c'est toujours, ils se font des histoires. Exact. Ils se font justement... Oui. On m'a parlé d'un livre qui s'appelle Moonwalking de quelque chose, là, de Shine ou je sais pas trop quoi. Puis c'est ça, c'est un gars qui lui s'intéressait à ces concours de mémoire-là. Oui, il a gagné. Et qui, un an plus tard, a gagné ce même concours juste en ayant appris les techniques. Donc c'est vraiment un peu de romancer les faits qu'on apprend pour s'en faire des histoires à retenir. Il a fait un TED là-dessus, et ça dure 15 minutes. Là, vous irez voir fun, ça, c'est très intéressant. Oui, beaucoup plus intéressant que ce podcast-ci. Mais tu parlais de Wikipédia tantôt. Il y a, comment il s'appelle, le gars des appendices, il a la barbe. Donc, Dave Bellil? Non, Provençal. Jean-François Provençal, le vulgarisateur. Oui, c'est, mais sur... le vulgarisateur vulgaire. Sur Facebook, l'autre fois, il a écrit « Qu'est-ce que vous avez cherché sur Wikipédia récemment? » Et là, tout le monde écrivait des sujets, puis c'était fascinant. On va vraiment voir plein d'affaires. Mais si tu poses cette question-là aux gens qui t'entourent, tu vas sûrement apprendre plein de choses. Oui, c'est vrai. Très bien. Ou si tu demandes juste, tout simplement à quelqu'un, dis-moi quelque chose que tu sais, que tu penses que je sais pas. Ah, tu peux jouer à ça dans l'avion aussi. Oui. Ton père, c'est pas ton père. Non, mais pas dans ces sphères-là. Là, dans des sphères. Là, ta blonde t'aime pas. Comme moi, mettons, là, une chose que je sais, là, moi, j'ai travaillé à l'Aquarium de Québec longtemps, j'ai déjà dit dans d'autres podcasts, je pense. Donc, je suis très calé en mammifères marins et en poissons. Donc, souvent, non, mais c'est niaiseux, mais souvent, des fois, dans des discussions, quelqu'un pose une question. À un moment donné, je me rappelle, dans un quiz night, je pense que la question était « Qu'est-ce que les requins ont? Qu'est-ce que les poissons ont que les requins n'ont pas? » C'était pas un quiz flight, non? Non, c'était pas un quiz night dans la vie. Et j'étais le seul à avoir répondu à cette question-là, mais je sais pas pourquoi je savais ça. Puis c'était quoi la réponse? Moi, je connais pas grand-chose là-dedans, mais j'aimerais savoir. La réponse, c'est les requins n'ont pas de squelette. Oh. C'est un gros cartilage, en fait, contrairement aux autres poissons, aux autres mammifères qui ont des squelettes. Non, mais bref, c'est des sphères comme ça où qu'on sait et qu'on peut essayer d'injecter aux autres et en échange d'autres informations. On peut se faire des soirées d'informations. Moi, j'aurais répondu de la pitié, parce que les poissons peuvent avoir pitié, mais les requins n'ont pas de pitié. Écoute, bon filon Wikipédia. Tu peux aussi voyager pour pas cher avec Google Maps, Google Earth. Oui. Hein? Tu te dis, je vais aller à Rome cet avant-midi. Tu prends un petit bonhomme, tu le mets devant le Colisée, tu te promènes. Dans les soirées de discussion avec des professionnels, tu peux te dire, j'arrive hier, j'étais à Rome. Ah oui! Écoute, hey, c'est le coin de rue Saint-Jupiter et César, c'est achalandé. Hein? Ouais. Ouais, les gens bougent pas, mais c'est achalandé. Oui. C'est drôle. Hey, une place, c'était nuageux. Deux rues plus loin, beau soleil. Toi. Puis, tout le monde a des faces floues. Hey. J'ai trouvé ce flou. Des faces italiennes. Faces floues. Mais moi, j'aime devenir un régulier dans un bar où il y a des petits Joe connaissants. Puis c'est souvent dans les bars que, justement... C'est quoi ces bars-là, donc? Non, mais tu sais, des petits bars de quartier où t'as toujours des réguliers qui font « Moi, t'as-tu entendu ça? » Puis là, ils te sortent des faits. Ouais. Tu deviens régulier dans un bar comme ça et justement, tu t'accumules plein de faits pas vraiment véridiques. C'est vrai. qui ont entendu de leur beau-frère. Je pense que pour avoir l'air d'avoir une culture très à jour aussi, c'est de bien lire, mettons, son journal de la journée. Tu sais, tu auras toujours de quoi parler, qui sera documenté et frais en plus. Hein? Comme toi, tu fais, Martin, des fois. Hein? J'ai jamais fait ça de ma vie. Bon, OK. Non, bon filon, l'actualité. Suivre l'actualité. Non, mais semblant, oui, écoutez, lire le journal ou écouter les nouvelles, tout simplement. On a souvent des experts qui pensent, se prononcent sur des trucs complètement divers. C'est un bon... Les dictionnaires pour les nuls aussi. Se claquer le dictionnaire. Ouais. Pour les un nuls. Mot, un mot par jour. Non, mais en peu de temps. D'une traite. Let's go, mon gars. Vas-y, go. C'est clair que tu te tannes avant B, là. De AA à Zéphyr. Mots croisés le matin. Mots croisés, oui. Je pense qu'il y a toujours la technologie maintenant avec l'iPhone. T'sais, on dit qu'il n'y a plus de... On ne s'estime plus sur des détails parce que justement, il y a toujours quelqu'un qui sort son iPhone pour checker. Mais dans des soirées comme ça, il fait juste aller aux toilettes très souvent. Pour faire « oui, oui ». Puis là, il revient avec plein d'informations jusqu'à temps qu'il n'y en a plus. Et il s'en va. Oui. Moi, j'ai passé un jeu l'autre fois qui pourrait être amusant à jouer en groupe pour la culture générale. Ça serait le IFAUX. I-F-A-U-X. Donc, on se pose tous des questions et... On prétexte tous de regarder sur notre iPhone, mais parfois, on ment et faut déceler quel est le iPhone. Aimez-vous ça? Ouais, j'haïs pas ça. Sur 10. J'haïs pas ça, je donnerais un 4. C'est pas pire. Un sur 10, 4. Pas pire. Pas pire. Pas pire. 4. Non. Ouais, mais non, mais j'haïs pas ça. iPhone. On a parlé peut-être dans l'enregistrement qui a foiré, mais faire bifurquer la conversation vers un sujet qu'on connaît bien. Ah, ça, c'est bon. On l'a dit dans celui-là. Ah, là, c'est mélangeant. Non, mais je trouve que. Ouais, c'est mélangeant, mais ça, c'est. Ouais, c'est si Mira et Corinne disent oui, c'est parce qu'on n'était pas là quand ça chie, eux autres. Solide. Non, mais regarde, bon, on va nommer tout le monde, on va pas juste nommer eux autres. Alors, il y a aussi Louis, Véronique... Non, chandail gris, ça, lunettes, débardeur... Brigitte Bardot... Mais tu disais, Jean-François... Oui, ramenez ça. Tantôt, par contre, on parlait aussi de lecture rapide, des techniques, justement, si tu veux lire vraiment ton journal... Oui, c'est vrai, Si tu veux lire Le Monde diplomatique ou deux ou trois journaux en plus, lecture diagonale, il y a des techniques... Tu regardes un ou deux mots par ligne. Oui, il y a des techniques. Et puis, tu peux être surpris. Vérifie ensuite si tu as compris. Ça, une fois que tu maîtrises Antoine Vézina est... Tu peux lire 800 mots minute, tu peux emmagasiner de l'information. Ouais. Non, Antoine vulgarise bien. Oui, non, mais c'est un grand adepte de la lecture en diagonale. Ouais, il va souvent dire qu'il a lu plein de livres, mais souvent c'est en diagonale et il retient juste l'information qui l'intéresse. C'est vrai, souvent ses textes dans LOL, il lit ça extrêmement rapidement jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il n'a aucune réplique. Malheureusement. Mais sinon, s'entourer. Moi, je me rends compte souvent que ma culture, je la tiens aussi beaucoup de mes amis. Ben, des gens qui m'entourent, des gens qui me parlent, ils me racontent des affaires. Des fois, j'en apprends beaucoup avec les gens. Puis c'est ce que je retiens le plus. Souvent, je vais retenir plus que ce que les gens m'ont dit que ce que j'ai lu ou ce que j'ai vu à la télé. Donc, peut-être s'entourer de gens très, très, très cultivés. Donc, par exemple, se faire un cercle d'amis composé de, je sais pas, Edgar Fruitier, Stephen Hawking, Maya Angelou. Maya Angelou. L'autre, là, le gars qui des kiwis des hommes. Là, Lou Béga. Non, pas lui, je parle pas de lui. L'autiste. Ouais, peut-être faire un club de lecture. Oui, faire un club. Dit bon, asseoir les gars, dites-moi ce que vous savez. On va commencer par toi, Edgar. Go! Go! Mm. Arrête pas tant que t'as pas fini. Excellent. Excellent. Ah oui, toi, tu l'as bien. Mais... On peut peut-être rapidement apprendre une série de noms russes, là, d'auteurs russes, de dramaturges, de joueurs d'échecs. Et puis là, whop! Ouais, oh, c'est crédible. Oui. C'est crédible. C'est bon, ça. Mettons, ouais. Tu sais, se faire des fiches thématiques. Tu sais, 5 compositeurs romantiques, 5 auteurs réalistes, 5 comédiennes. En tout cas, mais c'est-tu mieux d'être juste en surface ou approfondir un sujet, tu sais? Moi, je pense que si tu veux apprendre, avoir une bonne culture générale en peu de temps, vaut mieux y aller en surface. Mais pour mieux apprendre. Si tu approfondis quelque chose que tu as déjà. Moi, en fait, je me disais peut-être aller dans les sujets que les autres maîtrisent moins. C'est-à-dire, je sais pas, moi, je sais que sur Reddit, il y a des. Sur Reddit, le site, il y a des sous Reddit, là, comme. Sur les mammifères marins. T'as Today I Learn. Qui est des choses. Aujourd'hui, j'ai appris. Ah, Reddit, c'est ce que tu disais que tu voulais participer. T'as-tu passé finalement à Reddit? C'est la tribune qui donne une journée, c'est toi qui dis quelque chose. Non, ça, c'est Listserv. Ah, mais t'as-tu passé à Listserv? Non, pas encore, okay. Mais j'ai vu quelqu'un de Verdun passer. OK. Je le salue. Et non, mais oui, on peut l'applaudir. Mais non, mais aller chercher des sources obscures, peut-être, de savoir, je sais pas. Mathieu, il en connaît plein de choses obscures. Je n'ai que ça. Mais non, mais qu'est-ce que tu veux dire, des sources obscures? Non, mais par exemple, OK, là, je vais y aller. Mais je t'avais envoyé un lien sur la fille qui a fait la plus longue crotte au monde. Oui. Et tu vois, c'est ça. Tu avais envoyé à Mathieu un lien sur oui. La fille qui fait la plus grosse crotte du monde. Écoute, tu m'as pas envoyé ce lien-là, elle moi. Je le mettrai. Elle était suivie d'une diététiste, OK? Qui elle voulait faire un record et pendant, je sais pas, tu sais, c'est quoi, 26 pieds l'intestin? Ouais. Elle a mangé pour 26 pieds et elle a fait sa crotte sur un allée de bowling en avançant. Ben voyons donc. En petit bonhomme. Mais toi, t'as pensé à Mathieu, toi, t'as pas. Mais ça, c'est pas de la culture, générale, c'est de la culture bactérienne, ça, tu sais. Non, mais. Non, mais sans farce, ça arrive pas souvent que tu fais hey, connaissez-vous la fille? Non, mais. Tu sais, des fois, il va peut-être avoir l'occasion où toi, tu vas sortir comme là, en ce moment. Ça me sert, exact. Là. Oui, tu sais, dans un souper chic au Château Frontenac, tu sais. Oui, vous savez, cher diplomate anglais. Cher premier ministre. Oui, enlevez votre monocle que je vous raconte ça. 26 pieds, toi, chaud. Écoute, regarde, je le mettrai comme lien, mais il reste que c'est pas nécessairement... d'actualité qu'il faut savoir non plus, tu sais. Ouais. Si tu connais quelque chose que les autres connaissent pas, c'est là qu'ils s'intéressent. Ouais, il y a peut-être des infos qui impressionnent plus que d'autres. Ouais, des faits insolites, c'est sûr que c'est oui, les faits insolites, bon. C'est vraiment très bon, ouais. Ça. Comme par exemple, moi, je sais, là, savez-vous que le faux bourdon n'est pas censé voler? Non. Ouais, parce que scientifiquement, là, avec les lois de la physique, son poids versus la vitesse du battement de ses ailes versus la gravité, les vents, le faux bourdon n'est pas censé voler. Mais lui, il ne sait pas, fait qu'il vole. C'est drôle. Oui, c'est un drôle de fait, vous n'allez pas oublier ça. Non, mais c'est des choses comme ça que, des faits insolites, on les retient parce qu'on fait « Hein, je ne savais pas ça ». C'est comme le cochon là, qui a un orgasme d'une couple de minutes. Là, qui était... 30 minutes, je pense. Bon, oui, 30 minutes, le monde savent ça, on retient ça. Mmh. Oui, on applaudit le cochon. Ouais. Ouais. Le cri, le fameux cri de la girafe aussi. C'est quoi ça? C'est le même que le tien, non? Non, la girafe n'a pas de corde vocale, donc elle n'a pas de cri. Je pensais que c'était des grosses, comme une grosse bass. Ça n'a pas de commande. C'est toutes des choses qu'on... Mais moi, la liste, tu sais, tu te fais une courte liste, là, trois réalisateurs de cinéma. T'as des, oui, puis t'apprends au moins bon, un ou deux films de ce réalisateur-là. Tu sais, t'en apprends pas. Il suffit pas de dire, oui, je sais c'est qui. Il y a la Bibliothèque idéale aussi de Bernard Pivot, qui est une liste des top 10 des meilleurs romans par style. Fait que ça, tu apprends les deux premiers titres de chacun où tu les lis. Oui. Non, mais moi, je vais juste apprendre les titres. Là, juste, ah oui, je connais lui. Je connais François Gilbert. Là, c'est lui qui a écrit. Si tu as le temps, t'apprends comment. Non, mais cherche le nom de l'autre François Gilbert. Ah oui, les gladiateurs. Ouais, c'est lui qui a écrit les gladiateurs. François Gilbert a écrit les Harry Potter de 4 à 6. Mais non, je le sais que c'est lui qui a écrit Trauma. Mais. Oui, puis si possible, tu essaies d'apprendre la première phrase. T'sais, comme si tu connaissais tout le livre par cœur. Tout le monde souhaite que quelqu'un t'arrête. Là. Non, lis-nous pas. Oui. Ah, j'ai été tellement touché par la première phrase. Table des matières. C'est drôle, ça. C'est magique. Mmh. On avait des solutions dans la salle. Dans le fond, elle parle avec quelqu'un d'autre. OK, Pierre-Luc? Il y a un nom crédible, c'est-à-dire genre, ça s'appelle Wikipédia ou Encarta. Oui. Mettons, il y a le nom qui est connu comme Paul Hood, tu sais. Et là, tu peux dire, ben, selon Paul Hood, telle affaire, tout le monde te croit. C'est oui, tout à fait. Hood. Juste avoir des références, même si c'est pas vrai, c'est ça? Ok, oui, c'est ça. Selon Paul Hood. Mais non, mais tout simplement name dropper Paul Hood, là. Celui à 80. Celui à radio? Non, mon ami. Paul Hood. L'autre Paul. L'autre Paul Hood. Paul Hood, que tu connais. Ah, tabac, ouais. Applaudissez, les gars. Je te la donne, Mathieu, je te la donne. Oui. Et j'allais faire un joke pire que ça. Là. Mais Jean-François? Ben, si t'es coincé, moi, je pense, dans une discussion comme ça, tu peux dire rapidement que t'es nihiliste. T'sais. Puis apprendre les trois fondements du nihilisme que je connais par cœur. Premier point, rien n'existe. Deuxième point, si quelque chose existe, quelque chose ne saurait être appréhendé, encore moins connu par l'homme. Troisième point, même s'il l'était, son appréhension ne serait pas communicable à autrui. Donc, bang! C'est votre doctrine, votre philosophie nihiliste. Personne ne peut vous coincer. Ouais. Fait que ça, mettons, on est dans une gang, puis on dit, voyons, comment il s'appelait le comédien dans Poivre et sel, là? Rien n'existe. Sors ça, toi. Exactement. Ouais. Rien ne sert, cet homme-là n'existe pas. Poivre et sel n'existe pas. Mais tu peux le dire Yves Corbeil aussi. Oui. Ça, c'est le deuxième guess. Mais... non, mais je pense qu'il faut aussi voir l'environnement dans lequel il va être. Tu sais, les soirées... qu'est-ce qu'il y a dans ces soirées-là? Ben, c'est tous des architectes, là. Donc vraiment apprendre sa bêtise, Véronica, par cœur. Arrête! Non, mais... Il n'y a pas grand-chose à savoir, m'a dit, à part leur nom de famille. Non, mais ce que je veux dire, dans ces soirées-là, il y a de l'alcool, de la musique, sont où? T'sais, oui, c'est bon, apprendre la musique. Non, mais j'imagine qu'il y a des choses qui vont revenir de soirée en soirée. Mm-hmm. Donc peut-être se préparer à ces sujets-là. Donc, je sais pas, moi, premièrement, les cocktails. Oui. Tu sais, quand tu sais pas de quoi parler, tu rencontres quelqu'un pour la première fois, t'as fini de te présenter. Tu parles de ton cocktail. Ou de la musique qui joue, de qu'est-ce qu'il pourrait avoir. Oui, souvent, c'est bon, ça. Oui, la musique qui joue, c'est bon. Tu sais, souvent, les filles d'une grande intelligence vont dire « c'est ma toune, c'est ma toune ». Ça arrange pour que ça soit ta toune. Tu es capable de l'identifier. Non, mais je te dis tout de suite, d'habitude, c'est « Dancing Queen ». Faites-en pas, c'est fait. Connaître, disons, la musique, les films, la littérature, les arts en général, je pense que t'es bien ferré. Tu sais, même moi, mettons, dans une soirée d'architecte, il y a plus de chances que ça parle de musique, de film, que ça parle de mammifères marins. Je suis moins grillé. Là. Mais non, je pense. Ou d'actualité. Tous ces sujets-là, je pense, sont à maîtriser avant d'aller. Ouais. Où tu te trouves? Il semble inquiet. Je ne sais pas si c'est des soirées pour se trouver un job. Inquiet, parce qu'il va relativement bientôt terminer ses études. Ouais, c'est pas là. C'est ça. Mais on a une solution qui nous vient de l'assistance? Oui. George Costanza. Oui. C'est très bon. Croire au fait qu'on vient d'inventer. Exemple, saviez-vous qu'il y a plus de 20 000 cheveux humains par un pouce carré simplement? Ça, c'est faux. J'ai tout inventé. Non, mais c'est vrai, Mathieu. Je peux... Non, non, je sais. Oui, mais là, t'as l'air... Non, mais c'est, ça revient tantôt. Tu peux te faire pincer, puis quand tu te fais pincer, si tu te fais pincer solide, t'as vraiment l'air d'un con. Comme le gars, là, un super presque parfait, qui disait que les câbles, ça poussait dans l'eau. Puis il disait ça, puis la voix de narration, André Duchamp s'est fait un plaisir de lui dire « Non, ça pousse pas dans l'eau. » Oui, mais tu sais, puis à l'époque des iPhones, ça suffit que quelqu'un fasse mais en même temps, sorte son iPhone, si tu traînes, t'es démasqué. Si tu iPhone, traînes André la charme. André Ducharme qui fait oui, ça c'est vrai! C'est vrai. Ouais, bon. Ouais. Non, mais sinon la méthode petite vie avec une oreillette dans les dans Candalize! Candalize pinçon! L'oreillette dans l'oreille. Et chaque fois que quelqu'un commence à s'aventurer sur un sujet, ben, la personne au bout du micro t'injecte de l'information à plugger. À la limite, juste à prendre toutes les réponses de ce tous pour un-là sur la bamba, déjà, ça témoigne beaucoup de culture générale. Mais, moi, sans blague, ça m'est déjà arrivé une fois et j'avais un flirt sur Internet. Non. Mais j'avais un flirt sur Internet. On parlait là, par MSN à l'époque. Et elle me parlait d'un sujet dont je maîtrisais pas, mais que mon coloc maîtrisait très bien, et que c'est lui qui me disait quoi écrire. Je me rappelle, on parlait des Buffy, et j'avais pas écouté tous les Buffy, et là, je disais oui, moi aussi j'aime ça, les Buffy. Non, c'était. Non. Et mon coloc me soufflait toutes les réponses. Sur quoi dire, j'alimentais une conversation d'une demi-heure sur Depuis, Buffy. Martin n'est plus jamais retourné sur Gay 4-1. Non. Fini. Ah, il me fait piéger sur Buffy. Il est barré. Mais j'ai écouté les Buffy depuis ce temps-là. Jean-François, à part les Buffy? Je sais pas. On peut aussi s'en tirer en disant, en citant Einstein, on peut citer, apprendre plein de citations, mais Einstein disait que l'imagination était plus importante que la connaissance. Puis ça, c'est, ça a beaucoup de sens. Mmh, c'est vrai. Tout à fait. Donc, à chaque fois que quelqu'un apporte des faits, toi, tu fais « Oui, mais imagine mais un cheval! » Imagine un cheval avec une trompe qui mange des cachous. Sure shot. Ouais. Sure shot. Des cacous? Okay. Ouais. Sur Twitter, on a Vincent Saint-Don qui écrit « Lire des pages random sur Wikipédia. Ouais, » Oui, on en parle un peu. Geneviève, qui nous a proposé le problème la semaine passée. « Regardez de vieux enregistrements que le meilleur gagne. Ouais. » Que le meilleur gagne. Ouais. Oui. Ah, des quiz. Question pour un champion. Des quiz. Question pour un champion, c'est assez solide. Jeopardy. Jeopardy. Ouais, mais là, c'est dangereux de toujours répondre avec une question. Wiz, rappelez-vous de Wiz. Je suis le gagnant éternel de ce quiz-là. C'est vrai? C'est ça? Je te le contrerai après. On aimerait ça trouver des images de Mathieu à Wiz. J'ai donc, tout ça chez nous. Tu vas mettre ça sur le... Je vais essayer. Mais écoutez pas des quiz genre secret de famille ou duo, là, parce que ou ça... Ou le là, banquier. Parce que tu vas apprendre que la saveur de crème glacée préférée de Papa Castonguay, c'était la menthe. D'autres solutions, Jean-François? Écoute, on a donné des bonnes pistes. Moi, j'aime beaucoup le oui, écoute, j'aime beaucoup l'étude du début de l'univers, hein? Le Big Bang. Ça, je pense, c'est un filon incroyable et que l'essentiel de l'univers s'est créé en un peu moins d'une seconde. Donc, je pense qu'on peut avoir la culture générale assez rapidement aussi. On peut, si on découvre comment la masse est apparue dans les atomes, Einstein dit qu'on va entendre la voix de Dieu. Donc, c'est tout ce qui nous manque en ce moment, c'est comment c'est la masse des particules est apparue. Je pense qu'on l'a, la voix de Dieu en ce moment. La voix de Dieu. Et peut-être que le secret est dans le boson de Higgs. Ça fait que ça, c'est une belle voie. Tu peux apprendre tout ça et comprendre des choses. On va commencer par là. On va commencer par savoir comment ils mettent le caramel dans le caramel. Aussi, le caramel est congelé dans les moules. Ah bon, burst-like. Bing! Dans vos faces. Il y en a-tu d'autres secrets là comme ça? Le poulet free Kentucky, le secret de la sauce? Ouais, ça c'est le concierge qui a fait, c'est ça? Non, on pisse dedans. Mais voilà, hey, avez-vous d'autres solutions, messieurs? J'en aurais pour des heures, mais il y a trop de domaines de la connaissance. Ben, la méthode Johnny Mnemonic, là, mais on n'est pas rendu à cette technologie-là. Là. La clé USB? La clé USB dans le cerveau, mais on n'est pas rendu là. Peut-être dans une couple d'années. J'ai essayé, ça fait mal. Commencer tout de suite à se fabriquer une machine à voyager dans le temps. Ou... Ah ouais. Ou si tu es coincé dans, avec un professionnel, tu peux dire que tu viens de t'échapper d'une famille créationniste, puis que là, jusqu'ici, on t'a juste dit que Dieu avait tout créé, puis que tu as besoin c'est d'aide, parfait. Moi, je pense. Moi, c'est ma solution préférée, ça celle-là. Marche au bout. C'est ma solution préférée. Ouais, dans oui, dans son congrès d'architecture, là. Mais j'avoue que peut-être se pointer avec quelqu'un qui connaît beaucoup de choses et tu dis... Tu peux pas beaucoup parler, j'ai une extinction de voix. J'ai emmené mon ami. Mais je vais vous laisser mon ami Edgar. Je vais prouver tout ce que je savais déjà. Ouais, si quelqu'un d'érudit, mais d'un peu gêné, qui parle pas fort, tu te colles dessus et tu répètes ce qu'il dit ah plus oui, fort. Ça, ah oui! Ah oui! Toutes les solutions préférées sont à fin pour moi. Non, c'est bon ça. Se coller sur un érudit qui parle pas fort. Oui, la capitale de la Pogolie, c'est la bataille. Il dit... coacher une équipe de génie en herbe, secondaire 1 à secondaire 2. Oui. Sinon, aller un péter semaine en classe à faire. Ça aussi. Mais je suis pas sûr que ça va aider à sa connaissance. Vous n'avez des solutions préférées, allez nous les écrire sur notre groupe Facebook. Donc, vous allez là, et si vous avez des problèmes, soit vous venez nous les écrire tous les deuxièmes mardis du mois, ici même, au bar Les Passages, lors des enregistrements dans notre petit cahier, ou vous nous écrivez ça sur le groupe Facebook, par courriel, à podproblème@gmail.com, ou bien sur Twitter, ou même Google+, j'y vais des fois. Et faut pas oublier qu'on enregistre tous les mardis tous les deuxièmes mardis du mois à 20h. Soyez là. Oui, et à partir du 13 août prochain, on va commencer les soirées broadcast, c'est-à-dire après nos podcasts, tous les balados diffuseurs sont invités à venir avec leurs fans se rencontrer, tu sais, du moins démystifier notre... Tout à fait. Ouais. Notre virtualité, ça se dessus. Ouais. En tout cas, ben, venir ici, se pratiquer à signer des autographes. Exact. Non, se pratiquer Alexandre Harton à faire des soirées mondaines et parler, tout échanger des faits cocasses. Enfin, on va voir si Christiane Charette est un hologramme ou une vraie personne. Alors, premièrement, c'était une émission de radio qui était diffusée en podcast après, puis ça fait... comme 4 ans que c'est fini. Pour moi, c'est toujours un podcast à battre. Je vous rappelle que la semaine prochaine, on a un problème sur le végétarisme et la vie de couple en compagnie d'un expert dans les deux domaines, Joseph Elfassi. Oh ouais! Et n'oubliez pas aussi, Jean-François Aubé, on peut te voir... Non, on peut m'entendre. On peut te voir aussi à la LNI la saison prochaine. Oui, dans l'équipe des Oranges avec toi, probablement. Oui, et peut-être Corinne. Corinne, Florence. Non, mais on souhaite que notre équipe revienne. C'est juste on a ça. Vraiment une bonne équipe. Oui, et Florence Lompré, qui a fait le problème de la fille qui pue de la noune. Oui. Donc... important de le rappeler. N'oubliez pas, bien sûr, d'aller voter pour nous sur iTunes et sur Balado Québec. 5 étoiles ou rien. Et si vous voulez vous procurer un T-shirt de Pas de problème, rendez-vous sur le site MrDressUp.com. Et on va remercier encore une fois le traiteur qui nous a amené aujourd'hui de la délicieuse nourriture au passage. Hein? D'ailleurs, ah, Mathieu, ouais, toi, tu t'es vraiment bourré dans les... Dans les pépites de chocolat entourées de leur coulis. C'était une création de Alexandre Dufour, le premier chef éliminé. Ah, c'était excellent. D'ailleurs, t'as encore le visage plein de chocolat. J'ai plein de choco. Ouais. Oui, non. Mais aussi, je vous invite à faire un don. Si vous aimez notre balado et vous pensez que ça vaut une pièce, deux pièces, cinq pièces, 1 000 $, ben allez sur linstab.com, pas d'apostrophe, et il y a le lien ici pour aller sur notre compte PayPal et nous faire un don. Hein? Puis on va vous remercier. Puis après ça, ce don-là va nous aider à acheter un micro de plus puis pas dépendre de quelqu'un d'autre. Voilà. Et voilà. Et n'oubliez pas aussi que Ça suffit la comédie, un spectacle avec Mathieu Bouillon et moi-même le 24 juillet. Le 24 juillet. Dans le cadre du ZooFest. Oui, et le 25, le lendemain, je joue avec la LNI sur la scène Vidéotron. Oui, il y a... Et Louis Courchaine aussi, notre invité de dans 2 semaines. Oui, c'est juste dans 2 semaines. Oui, alors on joue sur la scène Vidéotron. C'est un spécial. Bravo. Hey, génial. Un show chanté. Et puis voilà, merci encore Jean-François. Hey, merci de m'avoir invité. J'espère qu'on a aidé Harton. Merci, vous êtes fantastique. Et là-dessus, veux-tu dire le mot de la fin? Il s'en rappelle. Oui, vous avez un problème. Nous avons un podcast. Ouais!